Au fil des jours, Heidi comprend qu'elle ne reverra pas de sitôt les beaux paysages montagneux suisses où l'air est si pur et la vie si douce. Elle s'ennuie de plus en plus. Parfois même, quand elle raconte à Clara ses journées passées dans les montagnes, elle se sent prête à pleurer. Chaque jour, après le déjeuner, Clara a l'habitude de se reposer un certain temps pendant que Mademoiselle Rottenmeier se retire dans sa chambre. Alors, Heidi se retrouve seule avec ses tristes pensées. Un jour, apercevant au loin le clocher d'une église, elle décide d'y aller et d'y monter. Là au moins, la vue est dégagée. Partie en cachette, elle gravit des petites rues en compagnie d'un joueur d'orgue de Barbarie et arrivée à l'église, elle demande au gardien si elle peut monter en haut du clocher pour y respirer l'air frais. Un jour, Heidi se souvient que sa tante Dete lui avait promis qu'elle pourrait rentrer au chalet quand elle le voudrait. Impatiente de revoir les fleurs scintiller au soleil, la fillette enfile vite sa robe rouge, met son chapeau de paille, emballe les petits pains ronds qu'elle cache tous les soirs pour les apporter à la grand-mère de Pierre, puis se dirige vers la sortie. Mais au moment où elle franchit la porte, elle se heurte à Mademoiselle Rottenmeier qui s'exclame. « Encore une escapade ! Ne t'ai-je pas maintes fois défendu de sortir ?» Profondément triste, Heidi répond en pleurant. « Je ne voulais pas vagabonder. Je veux seulement retourner à la maison revoir mon grand-père et revoir aussi le soleil, dire bonsoir aux montagnes. » Hélas, la promesse de la tante Dete n'est pas facilement réalisable. Francfort se trouve à des centaines de kilomètres de Dörfli. Et depuis que la fillette est là, la jeune Clara a retrouvé une belle joie de vivre. Plusieurs mois s'écoulent au même rythme, ponctués par les visites du père de Clara et de sa grand-maman qui reste quelque temps avec elle. Heidi, qui connaît maintenant son alphabet parfaitement, lit de merveilleuses histoires à Clara ou confectionne avec elle de jolies robes pour ses poupées. Mais ces distractions, hélas, n'enlèvent que peu de temps la fillette à son mal du pays. Et tous les soirs, lorsqu'elle se retrouve seule dans sa chambre, Heidi enfouit sa tête sous l'oreiller et pleure en silence. Peu à peu, l'état de Heidi s'aggrave. Elle perd l'appétit et au fil des jours, elle devient de plus en plus maigre et de plus en plus pâle. Elle ne pense plus qu'à une seule chose, gambader dans l'herbe avec Blanchette et Brunette, ses chèvres préférées. Depuis quelques jours, Mademoiselle Rottenmeier a des comportements étranges. Dès qu'il fait sombre, elle se retourne constamment et regarde dans tous les coins, comme si elle craignait que quelqu'un ne surgisse. Elle est en effet soucieuse, car chaque matin, les domestiques trouvent la porte d'entrée grande ouverte. Pourtant, aucun objet n'a été volé. De plus en plus inquiète, Mademoiselle Rottenmeier demande alors à Sébastien et à un autre domestique de veiller toute une nuit dans la grande salle du rez-de-chaussée afin de surveiller la porte d'entrée. Elle leur donne des armes, ainsi qu'une bouteille de liqueur. Mais voilà que pour se donner un peu de courage, les deux hommes boivent toute la bouteille, ce qui les fait rapidement sombrer dans un profond sommeil. Au milieu de la nuit, cependant, Sébastien se réveille et aperçoit la porte à nouveau ouverte. Alors qu'il secoue l'autre domestique, il voit soudain une forme blanche qui disparaît en haut de l'escalier. Pensant avoir affaire à un fantôme, les deux serviteurs restent alors pétrifiés dans leur fauteuil jusqu'au lendemain matin. En apprenant la nouvelle, Mademoiselle Rottenmeier écrit aussitôt au père de Clara, lui demandant de rentrer le plus vite possible. Et pour que sa lettre soit encore plus convaincante, elle précise que la santé de sa fille en dépend. Bien que ne croyant aucunement au revenant, deux jours plus tard, M. Sesman sonne chez lui. Après des retrouvailles émouvantes, il envoie Sébastien avertir son vieil ami le docteur Classen de venir le voir le soir même. À 9h précises, le docteur pénètre dans la grande maison et devant l'air jovial de son ami, il lui lance. « Eh bien, mon vieux, pour un malade que je dois veiller, tu m'as l'air en pleine forme. »« Oui, tout va bien pour moi. Mais celui que nous devons veiller ira plus mal si nous nous en emparons. Figure-toi qu'un fantôme fait, paraît-il, des apparitions dans cette maison. Aussi, j'ai fait descendre deux bons revolvers. Car ou bien c'est une connaissance des domestiques qui joue cette plaisanterie pour les effrayer pendant mon absence, ou bien c'est une bande de voleurs qui se sont déguisés en revenant pour être tranquilles. En tout cas, nous saurons les recevoir. Tout en échangeant de vieux souvenirs, les deux amis s'installent à leur tour dans la grande salle du rez-de-chaussée et attendent. À minuit, l'heure des fantômes, rien. Pas un bruit. Soudain, à une heure, le docteur entend un léger bruit. Il murmure aussitôt au père de Clara. Tu as entendu ? On dirait qu'on tourne une clé dans la serrure. Le docteur a raison, car quelques secondes plus tard, les deux veilleurs entendent la porte d'entrée s'ouvrir. Sans faire le moindre bruit, le docteur s'empare de la lampe à pétrole et saisit son revolver. Derrière lui, M. Seizman a déjà le doigt sur la détente. Alors que les deux amis passent dans le corridor, un pâle rayon de lune pénètre à travers la porte ouverte et éclaire l'étrange forme blanche. Tout en s'approchant d'elle, le docteur demande d'une voix forte. « Qui va là ?» Tout d'un coup, un petit cri angoissé résonne. Heidi est là, pieds nus et en chemise de nuit, face à deux revolvers. Le père de Clara lui demande aussitôt ce qu'elle fait là, mais la fillette, blanche de peur, murmure qu'elle n'en sait rien. Ayant une petite idée, le docteur fait signe à son ami de le laisser seul avec elle. Puis, tenant l'enfant par la main, il monte la coucher. Après l'avoir calmée, il lui demande doucement. « Bon, maintenant que tu n'as plus peur, dis-moi ce que tu voulais faire. »« Je ne sais pas, je ne suis pas descendu et subitement je me suis retrouvé en bas. Oh, »« Tu as dû cependant faire un rêve, mon petit. » Au mot « rêve », Heidi a soudain les yeux qui s'allument. « Oh oui, oh, chaque nuit je rêve la même chose. Je crois que je suis chez mon grand-père. » J'entends bruire les sapins devant la cabane. Je sais que les étoiles brillent au firmament. Je descends, j'ouvre la porte du chalet. Et c'est si beau. Mais quand je me réveille le matin, je suis hélas de nouveau ici, à Francfort. Soudain, toutes les larmes qu'elle n'a pas eu le droit de montrer à cause de Mademoiselle Rottenmeier coulent toutes ensemble. Émue par tant de chagrin, le docteur lui promet que bientôt, elle se réveillera très heureuse. Puis, il redescend dans la grande salle retrouver son ami et lui annonce aussitôt d'une voix sombre. « Bien. Premièrement, la petite est somnambule. C'est elle qui inconsciemment a fait le fantôme et épouvanté toute la maison. Deuxièmement, ce qui est beaucoup plus grave, c'est qu'elle a un tel mal du pays qu'elle est devenue très nerveuse et qu'elle ressemblera bientôt à un squelette si elle continue à vivre ici. Eh, j'aurais beau lui donner toutes les pilules, cela ne changera rien. » Il n'y a donc qu'un remède, la laisser repartir dans ces montagnes. Le père de Clara entre alors dans une vive colère. Il se demande pourquoi Mademoiselle Rottenmeier ne lui a pas fait part régulièrement de l'état de santé de la fillette. À 4h30 du matin, il frappe à la porte de la gouvernante et lui ordonne d'un ton sec de préparer les affaires de l'enfant. Puis, aux premières lueurs du jour, il réveille doucement sa fille pour lui annoncer le départ subit de sa jeune camarade. À l'idée de ne plus jouer avec Heidi et de ne plus l'entendre parler de ces montagnes, Clara est soudain très triste. Mais quand son père lui promet qu'ils iront lui rendre prochainement visite, elle sèche ses larmes. Puis, M. Seizman fait venir Dette, la tante de Heidi, et lui demande de raccompagner la petite chez son grand-père. Mais elle refuse obstinément de revoir le vieil homme. Aussi, M. Seizman appelle le domestique. Sébastien, c'est toi qui vas reconduire Heidi chez elle. Voici l'adresse d'un bon hôtel à Bâle où vous ferez une halte. Tu lui choisiras une belle chambre. Mais quand elle sera couchée, tu fermeras sa porte à clé. Car cette fillette est somnambule et ce serait dangereux qu'elle s'en aille au milieu de la nuit. À ces mots, Sébastien éclate de rire, comprenant enfin les curieuses apparitions de fantômes dans la maison. Soudain, voyant Heidi s'approcher de lui, le père de Clara lui annonce joyeusement. « Heidi, le docteur t'a dit que tu serais bientôt heureuse, n'est-ce pas ?»« Eh bien, Sébastien t'emmène aujourd'hui chez toi. La fillette est si émue qu'elle ne sait pas si elle rêve ou si elle est éveillée. Grimpant l'escalier 4 à 4, elle frappe à la porte de la chambre de Clara pour profiter avec elle des derniers instants. Installée sur sa chaise roulante, la petite malade lui montre une grande malle et lui annonce « Elle est à toi, je te l'offre. Regarde dedans, j'y ai mis des robes, des mouchoirs et du matériel de couture. Et puis, emporte ce panier. » À la vue des 12 petits pains blancs qui s'y trouvent, Heidi saute de joie. Elle les apportera dès son retour à la grand-mère de Pierre. Alors, les deux fillettes se promettent de se revoir très vite. La voix de Sébastien résonne derrière la porte. C'est l'heure de partir pour ne pas rater le train. Quelques heures plus tard, Heidi se retrouve assise dans un compartiment de train, tenant solidement son panier sur les genoux, de peur que quelqu'un ne touche à ses petits pains. Pendant un long moment, elle reste parfaitement tranquille. Puis, réalisant qu'elle se trouve bien sur la route du retour, elle se met soudain à raconter à Sébastien tout ce qu'elle a l'intention de faire dès son arrivée au chalet. Fatiguée de ses propres paroles, la fillette finit par s'endormir jusqu'à Bâle. Là, comme il a été prévu par M. Sesman, il passe la nuit. Et le lendemain matin, les deux voyageurs montent dans un autre train où, de nouveau, la fillette pose son panier sur ses genoux. Pendant plusieurs heures, elle regarde le paysage défiler sans rien dire. Mais quand le chef de gare annonce l'arrivée à la gare de Mayenfeld, elle bondit de son siège. Réveillant en sursaut, Sébastien saisit vite la malle, puis ils descendent sur le quai. À quelques mètres de la gare, il aperçoit une charrette attelée d'un maigre cheval. S'approchant de l'homme qui la conduit, le domestique lui demande « Quel est le chemin le plus sûr pour aller à Durfley, s'il vous plaît ?»« Bah, tous les chemins sont sûrs ici, jeune homme. Je vais moi aussi à Durfley, alors si cela vous intéresse, je peux vous y conduire. »« Non, pas moi, merci. Je dois retourner à Francfort, mais pourriez-vous prendre grand soin de cet enfant ?» Sébastien, ayant ainsi confié la petite fille à l'inconnu, lui tend la main en lui disant adieu et charge sa malle sur la charrette. Plus la carriole approche du village, plus l'émotion de la fillette grandit. En chemin, elle reconnaît les arbres et aperçoit les premiers rochers. À peine arrivée à Durfley, Heidi gravit la montagne aussi vite que ses jambes le lui permettent. Lorsqu'elle aperçoit le chalet de la grand-mère de Pierre, son cœur se met soudain à battre plus fort. Mais elle est si impatiente d'embrasser la vieille femme qu'elle se met à courir plus vite encore. Et c'est tout essoufflée qu'elle surgit dans sa chambre. Me voici, grand-mère. Me voici. Je suis là. Plus jamais je ne repartirai. Et pendant bien des jours, tu ne mangeras plus du pain noir. Puis, d'un geste vif, Heidi déballe les 12 petits pains et les pose sur les genoux de la vieille femme. Émue aux larmes, elle prend alors l'enfant contre elle et caresse longuement ses cheveux bouclés. Après avoir raconté brièvement sa vie à Francfort, la fillette remet son chapeau de paille et s'élance dans la montagne. Quelques minutes plus tard, elle aperçoit enfin le chalet de son grand-père. Mais quand elle voit le vieil homme assis sur son banc, en train de fumer sa pipe, là, elle court à perdre haleine, se jeter dans ses bras en criant. « Grand-père ! Grand-père ! Ah, je m'ennuyais tellement de toi !» Jamais le vieux montagnard n'a été aussi ému. Il regarde un instant sa petite fille en silence et la prend dans ses bras. La voix légèrement tremblante, il lui dit « Veux-tu boire un verre de lait ?» Oh oui, grand-père, notre lait est le meilleur du monde. Soudain, un coup de sifflet aigu retentit. C'est Pierre qui redescend les chèvres du haut de la montagne. La fillette bondit aussitôt au milieu du troupeau et court embrasser Blanchette et Brunette. Et le chevrier est si heureux de retrouver Heidi qu'il lui demande tout de suite si elle viendra le lendemain s'occuper des chèvres avec lui. Quand Heidi revient au chalet, son lit de paille est à nouveau prêt dans le fenil. Et quand c'est l'heure d'aller se coucher, la fillette s'endort profondément. Son grand-père, lui, ne dort pas de la nuit. Il ne cesse d'aller vérifier si l'enfant dort paisiblement. Et il veille à ce qu'aucun rayon de lune ne vienne troubler son sommeil. Et c'est ainsi que Heidi reprend sa vie d'avant, partageant son temps entre les visites à la grand-mère de Pierre, les promenades avec le chevrier dans les pâturages et les longues heures douces et heureuses passées en compagnie de son grand-père. Un bon matin, Heidi se réveille au chant des oiseaux. Dehors, il fait si beau que tout scintille sur les montagnes. Soudain, son grand-père lui annonce. Viens vite, mon enfant. Mets ta belle robe. Nous allons tous les deux à l'église, au village. Puis nous passerons voir le pasteur. La fillette écarquille les yeux. C'est la première fois que son grand-père met ses habits du dimanche et qu'il est heureux de descendre à Durfli. Il prend Heidi par la main et tous les deux commencent à descendre la montagne. En le voyant arriver à l'église, tenant tendrement la petite fille par la main, les habitants de Durfli se mettent à chuchoter. Ils reconnaissent qu'ils ont sans doute, jusqu'à présent, mal compris le vieux montagnard. Et à la fin de la messe, comme s'ils retrouvaient un vieil ami, ils viennent lui serrer la main. Puis le vieil homme s'avance vers le pasteur et lui dit « Je viens vous demander de bien vouloir oublier mes mauvaises paroles d'il y a 2 ans. Vous aviez entièrement raison. Je veux faire cet hiver ce que vous m'avez proposé. Aussi, je vais revenir vivre à Durfli, car l'hiver est rude là-haut et la petite est délicate. » Tout en caressant les cheveux de Heidi, le pasteur remercie vivement le vieux montagnard de sa décision. Alors que la fillette et son grand-père commencent la remontée vers le chalet, toutes les cloches du village se mettent soudain à carillonner pour fêter l'événement. Le grand-père décide alors de passer faire une petite visite à la grand-mère de Pierre. Et alors qu'ils parlent de leur bonheur d'avoir retrouvé Heidi parmi eux, Pierre arrive tout essoufflé et tend une lettre adressée à Heidi. La fillette reconnaît immédiatement l'écriture de Clara. Dès les premières lignes, elle saute de joie. Son amie lui annonce en effet qu'elle viendra avec son père d'ici quelques mois. Elle compte bien la voir tous les jours et pouvoir se promener elle aussi dans ces montagnes dont Heidi lui a si souvent parlé. Elle termine sa lettre en lui précisant « Malheureusement, je ne pourrai pas marcher toute seule. Il faudra que ton ami Pierre et toi vous m'aidiez à sortir de mon fauteuil et que vous me supportiez pour que je puisse faire quelques pas sur cette herbe si drue. » Aussitôt, Heidi lance au chevrier. Depuis le temps que je te parle de Clara, tu vas enfin la connaître. Si tu veux bien, nous l'emmènerons pique-niquer sur la montagne. Elle ne l'a jamais vue. Sur ces paroles, Heidi et son grand-père quittent la maison de Pierre et remontent tranquillement jusqu'à leur chalet qui resplendit au soleil couchant, en pensant déjà à la venue de la famille Sesman et à la fête que cela sera.